Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple du 31 mai a inséré un éditorial qui dénonce la tentative des autorités de mettre sur pied le comité préparatoire de la Fondation pour les femmes de réconfort qui sera guidé par un de la secte proche de Bakune qui ne répond pas à la demande des victimes après la conclusion de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel sans excuse ni compensation des autorités japonaises à la fin de l'année passée.